Voici votre butin régional. Michel Vizina et sa librairie ambulante Le Buvard sera au IGA de Cookshire vers midi le 8 juillet. Dès 19h30 le 9 juillet, dans le cadre des concerts de la gare, à East Angus, le groupe Les Billy Fontaine vous fera swinguer au rythme de la musique traditionnelle. Le 10 juillet à 20h30, projection extérieure gratuite du film Une nuit au musée, Le secret du tombeau, au parc Nicole, au 186 rue Saint-François, East Angus. En cas de pluie, à l'intérieur du bâtiment du parc.